Rien pour des messies. La chance c'est à peine. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gemozo, vous nous écoutez sur le 107 FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le vendredi 18 janvier, nous souhaitons une bonne fête au Prisca, ça vient du latin signifiant ancien. Prisca est une femme séduisante, agréable dans ses contacts avec les autres où elle semble ouverte, communicative, compréhensive. Toutefois timide et discrète, sa personnalité reste effacée, partagée entre son intérêt pour les autres auquel elle prête une oreille attentive et son désir personnel d'être reconnue à sa juste valeur. Elle lutte pour la première place. Gaie et enthousiaste, elle demeure assez impatiente en règle générale et n'est pas à l'abri d'explosions, entre guillemets, de colère, d'autant qu'elle est très nerveuse et parfois capricieuse. Elle est vive d'esprit, adaptable, adroite et possède un solide sens critique. Sa mémoire est bonne, Prisca n'a pas de problème intellectuel, excelle dans la pratique des langues étrangères et dans l'expression. Elle s'est parfaitement usée de son charme et de son sens de persuasion pour arriver à ses fins. Curieuse, elle tend peut-être un peu trop à se disperser, goûtant particulièrement au changement. Dicton du jour, neige à Sainte Prisca, la belle année que voilà. Pas de célébration aujourd'hui et dans les événements qui se sont déroulés un 18 janvier, en 1535, c'était la fondation de la ville de Lima. En 1778, James Cook découvrait l'archipel d'Hawaï et en 2008, George Clooney était nommé messager de la paix par l'ONU pour son aide au Darfour. Allez, tout de suite, première pause musical avec Ellie Medeiros et le titre Toi mon toi. Toi toi mon toi, toi toi mon tout mon roi, toi toi mon toi, toi toi mon tout mon roi. Yeah. Toi, mon toit, Elie Medeiros sur RGM, un peu plus de 8h35, je peux même dire presque 8h36. On est toujours dans la matinale et on parle maintenant anniversaire avec ceux qui sont nés un 18 janvier 1933, naissance de John Boorman, réalisateur, producteur, scénariste britannique des films L'Exorciste 2 ou encore Excalibur. 1955, naissance de Kevin Costner, acteur, réalisateur, producteur américain, vu dans Les Incorruptibles dans le rôle d'Eliot Ness, Danse avec les loups dans le rôle du lieutenant John Dunbar, Robin des Bois, Prince des voleurs dans le rôle de Robin de Locksley, JFK, Bodyguard dans le rôle de Frank Farmer, Un monde parfait de Clint Eastwood, Waterland dans le rôle de Mariner, Postman dans le rôle du facteur, Une bouteille à la mer dans le rôle de Garrett Blake, Coast Guards dans le rôle de Ben Randall, Man of Steel ainsi que Batman vs Superman, L'aube de la justice dans le rôle de Jonathan Kent, réalisateur de Danse avec les loups, récompensé par l'Oscar du meilleur film partagé avec Jim Wilson et l'Oscar du meilleur réalisateur, réalisateur également du film Postman et producteur de Danse avec les loups, Bodyguard, Waterworld, Postman ou encore Une bouteille à la mer. 1956, naissance d'Elie Medeiros, chanteuse uruguayenne. 1960, naissance de Mark Rylance, acteur britannique, vu dans Anonymous dans le rôle de Candel, Le pont des espions de Steven Spielberg dans le rôle de Rudolph Abel, récompensé par l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, vu également dans Dunkerque dans le rôle du capitaine du Moonstone, en 2018 dans Ready Player One de Steven Spielberg dans le rôle de James Donovan Hallyday. 1962, naissance d'Alison Hargrim, actrice américaine connue pour son rôle de Nellie Olsen dans la série télé La Petite Maison dans la Prairie. 1965, naissance de Valérie Damido, animatrice télé française, également actrice puisqu'on a pu la voir dans la série télé Victoire Bonneau dans le rôle de Victoire Bonneau. 1971, naissance de Pep Guardiola, ancien footballeur espagnol devenu entraîneur. Il a fait sa carrière de joueur de 1990 à 2006 en jouant à Barcelone, à Brescia, à l'AS Roma, à Al Ahly SC et à Sinaloa. Entraîneur depuis 2008. De 2008 à 2012, il a été l'entraîneur du FC Barcelone, de 2013 à 2016, celui du Bayern de Munich. Et depuis 2016, il entraîne Manchester City. 1977, naissance de Jean-Patrick Nazon, ancien cycliste français, ayant fait carrière de 1997 à 2008, qui a gagné deux étapes sur le Tour de France, notamment en 2003, celle des Champs-Élysées. Et il a porté pendant une journée le maillot jaune. C'était en 2003 également. C'était également l'année de naissance de Didier Dinard, ancien handballeur français devenu entraîneur. Il a fait sa carrière de joueur de 1993 à 2013 en jouant à Dijon, à Montpellier, au BM Ciudad Real et au PSG. Considéré comme le meilleur défenseur au monde, il est l'un des handballeurs les plus titrés de la planète. Aucune compétition ne manque à son palmarès. Sélectionné 379 fois en équipe de France entre 1996 et 2013, il est double champion olympique en 2008 et 2012, triple champion du monde en 2001, 2009 et 2011, double champion d'Europe en 2006 et 2010. Et en club, il a notamment remporté 4 Ligues des Champions, 11 championnats nationaux, 6 en France et 5 en Espagne, et de nombreuses coupes nationales. Actuel sélectionneur de l'équipe de France, il est donc champion du monde comme joueur ainsi que comme entraîneur. 1980, naissance de Jason Segel, acteur américain, vu dans Encloque, Mode d'emploi, Bad Teacher, Sexe entre amis, 40 ans... mode d'emploi. Sextape, la série télé Freaks and Geeks dans le rôle de Nick Andopoulos, mais on le connaît surtout pour son rôle de Marshall Erickson dans la série télé How What Met Your Mother. C'est également l'année de naissance d'Estelle, chanteuse rappeuse britannique. 1987, naissance de Caroline Mani, cycliste sur route, sur piste et VTT française, championne de France de cyclocross en 2010, 2011, 2016, 2017 et 2019. C'est également l'année de naissance de Denitsa Ikonomova, danseuse bulgare qui depuis 2012 danse pour l'émission Danse avec les stars, qui l'a d'ailleurs fait connaître du grand public français. Elle a remporté 4 saisons de ce programme. La première fois, c'était aux côtés de Ryan Benzetti. Ensuite, elle l'a remporté aux côtés de Loïc Noté, de Laurent Mestret et plus récemment aux côtés de Clément Rémiens. 1988, naissance d'Angélique Kerber, joueuse de tennis allemande professionnelle depuis 2003, qui a été numéro 1 mondial en 2016, qui a gagné une fois l'Open d'Australie, Wimbledon et l'US Open.

La météo. Alors après la neige qui est tombée hier soir, alors apparemment un petit peu plus en plaine que sur le secteur de Remiremont, puisque pas de traces de neige ce matin. Donc on passera la journée sous le soleil avec tout de même quelques petits nuages. Des températures comprises entre moins 1 et 0 degrés ce matin, entre 1 et 2 degrés pour cet après-midi. Samedi devrait être une journée ensoleillée avec tout de même quelques petits nuages. Des températures comprises entre moins 5 et moins 4 degrés le matin, entre 2 et 3 degrés l'après-midi. Dimanche, le retour de la pluie avec des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin, entre 3 et 4 degrés l'après-midi. Allez, on file tout de suite vers l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence cette actu avec du handball messieurs et le mondial et la France qui s'est imposée hier soir face à la Russie 23 à 22 avec la 300e sélection de Nicolas Karabatic, et la 100e sélection de Quentin Mahé. C'était un match sans enjeu puisque la France était déjà qualifiée pour le tour principal. La Russie, elle, était déjà éliminée, mais tout de même, la France termine cette première phase sur une victoire. Le tour principal débutera dès samedi pour l'équipe de France avec un match contre l'Espagne. Un mot de biathlon maintenant avec l'étape à Ruppolding. Hier, c'était les sprints avec le sprint messieurs à 11h du matin, qui a été remporté par Johannes Bö devant son frère Tarje Bö et devant l'Allemand Benedikt Doll. Martin Fourcade, lui, termine quatrième avec un 10 sur 10 au tir. Mais sur les skis, c'était pas encore ça. Beau tir groupé, sinon, hein, pour les Français, avec une belle 9e place pour Émilien Jacquelin, une 15e place pour Simon Détieux, 18e place pour Quentin Fillon-Maillet, 24e place pour Simon Fourcade, 37e place pour Antonin Guigou, et 38e place pour Florent Claude, que je vous rappelle, hein, court sous les couleurs belges. Et c'est vraiment dommage que cette semaine, nous n'ayons pas une poursuite qui aurait tenu bien des promesses. Et le sprint féminin d'hier après-midi a vu la victoire de Kuzmina devant Vitozzi et Heuberg. 5e place pour Anaïs Bescon, 7e place à égalité pour Anaïs Chevalier et Justine Brezaz, 15e place pour Julia Simon, 28e place pour Célia Aimonier. Et la toute jeune Caroline Colombo a terminé la 46e place, mais avec un 10 sur 10 au tir. Et aujourd'hui, eh bien, c'est le relais messieurs, rendez-vous à 14h30. Alors, feront partie de ce relais Émilien Jacquelin, Martin Fourcade en deuxième position. C'est assez rare de le voir ainsi. Il est plutôt en troisième, voire carrément en quatrième position, mais là, il partira en deuxième. Le troisième relayeur français, ce sera Quentin Fillon-Maillet et le dernier relayeur sera Simon Détieux. Antonin Guigona, qui avait fait le relais la semaine dernière, est laissé au repos. Il l'avait d'ailleurs laissé plus ou moins entendre, hein, lors de son interview d'après-course. Samedi à 14h30, ce sera le relais féminin et dimanche, nous aurons les Mastart. Personnellement, c'est la course que je préfère. Pour les hommes, ce sera à 12h15. Et à noter que Simon Fourcade ne participera pas à cette Mastart pour 0,4 secondes, mais sait-on jamais. Certes, ce n'est pas très fair-play, mais il pourrait y avoir un forfait, hein, d'ici dimanche qui laisserait donc la place à Simon Fourcade. Et la Mastart féminine, elle aura lieu à 14h40. Et en IBU Cup, sur l'individuel, hier, 3e place pour Aristide Beg. Et pour retrouver Fabien Claude, il faut aller à la 50e place. 8 photos tirs, ça ne pardonne pas. Un mot de basket avec les résultats de NBA, où l'équipe de Charlotte de Nicolas Batum à 7 points et 5 rebonds et Tony Parker à 14 points s'est imposée 114 à 95 face à Sacramento. L'équipe de Phoenix de Okobo à 8 points s'est inclinée face à Toronto 111 à 109. Du côté de chez nous, en Pro B, ça jouera samedi soir à Nancy qui recevra Poitiers. En National 1, c'est ce soir que le Jet Vosges reçoit Souffle Weyersheim. Et en National 3, Mirecourt se déplacera samedi à Grisoberg. Un mot de tennis avec l'Open d'Australie hier côté messieurs, la défaite de Joe Wilfried Tsonga en 3-7 face à Novak Djokovic, 6-3, 7-5, 6-4. Jérémy Chardy a bataillé dur face à Alexander Zverev, mais le français s'incline en 5-7, 7-6, 6-4, 5-7, 6-7, 6-1. Gilles Simon s'était incliné un petit peu plus tôt en 5-7 face à Bolt, 2-6, 6-4, 4-6, 7-6, 6-4. Lucas Pouille s'est qualifié en 4-7 face à Marterer, 7-6, 7-6, 5-6. 5-6. 7-6-4. À noter l'abandon de Dominique Thiem face à Popirin. Chapalov s'est qualifié en 3-7 face à Daniel. Medvedev s'est qualifié en 3-7 face à Harrison. Et Goffin s'est qualifié en 4-7 face à Copil. Aujourd'hui, Federer s'est qualifié en 3-7 face à Fritz. 6-2, 7-5, 6-2. Tsitsipas s'est qualifié en 4-7 face à Basilashvili. Tsitsipas qui sera le prochain adversaire de Roger Federer pour les huitièmes de finale. Thomas Berdych s'est qualifié en 4-7 face à Schwartzman. Il y a quelques instants, Dimitrov s'est qualifié en 3-7 face à Fabiano. 7-6, 6-4, 6-4. À suivre le match de Rafael Nadal face à Deminor. Cilic affrontera Verdasco et Khachanov sera opposé à Bautista Agut. À noter qu'il n'y a pas de Français à l'Open d'Australie aujourd'hui. Côté féminin, hier, la défaite d'Alizé Cornet en 3-7 face à Venus Williams, 6-3, 4-6, 6-0. Alep s'est encore fait une frayeur, mais au final s'impose en 3-7 face à Kenin, 6-3, 6-7, 6-4. Serena Williams n'a fait qu'une bouchée de Jenny Bouchard en 2-7, 6-2, 6-2. Et à noter la défaite de la tête de série numéro 23, Suarez Navarro, face à Yastremska en 3-7, 6-3, 3-6, 6-1. Aujourd'hui, c'est Sharapova qui s'est imposée en 3-7 face à Wozniacki, tête de série numéro 3. Barty s'est qualifié en 2-7 face à Sakkari. Harisimova s'est qualifié en 2-7 face à Sabalenka, tête de série numéro 11. Sloane Stephens s'est qualifié en 2-7 face à Martic, 7-6, 7-6. À suivre le match de Caroline Garcia face à Collins, Kerber qui affrontera Birel et Kvitova, elle affrontera Bencic. Un mot de football maintenant avec la Ligue 1. Ce soir, Lille reçoit Amiens. Samedi, le PSG recevra Guingamp, Monaco, Strasbourg, Nîmes, Toulouse et Reims, Nice. En Ligue 2, samedi, Nancy se déplacera à Lens. En Espagne, à noter que le FC Barcelone s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Espagne. 3-0 hier soir. Un but signé Lionel Messi et un doublé de Dembélé. Et on termine avec du hockey sur glace en Détroit. Épinal se déplace samedi à Fontenay. Voilà pour l'actualité sportive. On file tout de suite vers notre dernière pause musicale avec Eagles et leur titre Hotel California. On a dark desert high.